crois? J'en suis sûre. Et je souhaite que ma fille trouve un aussi bon mari que le mien. Merci du compliment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendons le défilé. Et après, promenons-nous au hasard dans Paris. Et ce soir, nous regardons les feux d'artifice. Nous admirons une dernière fois les monuments de Paris. Et nous danserons dans la rue.